كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمبر 3. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. On avait cité plusieurs choses dans le premier dars ou le deuxième de عمدة الأحكام. Et parmi les choses qu'on a prises dans le dars précédent, وجوب صيام شهر رمضان أي الحكم أن الصيام سي أوبليغاتوار. ما الدليل على أنه سي أوبليغاتوار عندك؟ يا أيها الذين قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم لا كما كتب على الذين كما كتب على الذين من قبلكم على الذين من قبلكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحسنت. الشاهد من الآية وجه الاستدلال أين الوجوب dans le verset؟ كتب عليكم. كتب بمعنى فرض أي سواجب عليكم. ومن السنة عند من؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمسة، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. أحسنت. الحديث في الصحيحين. الإمام النووي وغيره من الأئمة نقلوا الإجماع l'unanimité que c'est واجب. On a cité كذلك على من يجب. C'est qui est concerné par cette obligation. On a cité six catégories. الأولى تفضل المسلم. نعم. أما الكافر سي في الصيام son صيام il est باطل. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas concerné. Là, ça veut dire qu'il doit faire tawba et il est obligé de rentrer dans l'islam, de faire salat, de faire siyam. لكن s'il le fait, c'est باطل. Là, il y a des conditions. Parmi les conditions, l'islam. كذلك la deuxième البلوغ أن يكون بالغا. Ça fait sortir qui أي qui n'est pas concerné. Si le balir est concerné, donc نعم الولد الصبي. Et on a cité علامة البلوغ. C'est quoi les signes que cet enfant il a atteint la puberté, donc il doit jeûner. On a cité plusieurs signes. نعم كذلك نعم l'âge de 15 ans s'il n'a pas les autres signes. On cite les signes كذلك إنزال نعم إنزال المني كذلك pour البنت الحيض. الحيض pour البنت. Et s'ils n'ont pas les signes, à partir de 15 ans, ils font الصيام. Et on a نبه كما في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن في أيام أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ils conseillaient, ils entraînaient, ils encourageaient leurs enfants à faire الصيام. لكن pour les enfants, c'est pas obligatoire. كذلك on a cité القادر. نعم celui qui a القدرة. Ça fait sortir qui مريد. نعم العاجز. Que ce soit le mari, que ce soit الشيخ الكبير. هؤلاء ils n'ont pas la capacité. Malade ou vieux, une vieille personne. كذلك on a cité القادر. On a cité كذلك العاقل. Ça fait sortir qui المجنون. كذلك on a cité المقيم. Ça fait sortir المسافر. المقيم ça vient de l'iqam. Il est مقيم في بلد. Ça fait sortir المسافر. Et le dernier قسم الطاهر أن يكون طاهرا. Et ça في الحقيقة ça fait sortir المرأة الحائض أو النفساء. لأن الحائض والنفساء comme on va voir dans un chapitre. كذلك المسافر المسافر on va voir التفصيل. أما الحائض elle n'a pas le droit de faire الصيام et elle n'a pas le droit de faire الصلاة. أما الصلاة لا أتحب. أما الصيام elle doit attraper كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. وسيأتي معنا الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه إلى ستة حديث. راجعوا فات المراجعة يا إخوان. سي مسائل سي important. مراجعة Inch'Allah, vous la faites bi-diqqa. Prenez du temps. C'est ce qui restera. Vous vous rappelez de Kalam Cheikh Sa'di rahmatullah alayh, an al-muraja'a c'est bi-manzilat al-ma, les shajara. Ce ilm, c'est comme un arbre. Ce ilm, c'est drôle ce qu'on fait sur Siyam, c'est comme si on prenait soin d'un arbre. Les fruits de cet arbre, c'est l'amal. Bi-idnillah, quand il viendra Siyam, t'appliqueras ces choses, c'est comme si tu manges des fruits de cet arbre. Cet arbre, si tu veux qu'il tienne jusqu'à Ramadan, et t'en profites, arrose-le. Bil-muraja'a. Qala al-imam, al-hafidh, Abdelghani al-Maqdisi, rahmatullah alayhi, il cite le premier hadith, min ahadith, Umdat al-Ahkam, kitab al-Siyam, qala an Abi Huraira, radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بالصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه الحديث إليه في الصحيحين. On a dit au départ la plupart des hadiths في الصحيحين البخاري ومسلم. Il y a quelques hadiths ou des riwayats, elles sont soit في البخاري ou في مسلم. Elles sont pas dans les deux. لكن la plupart des hadiths c'est في البخاري وفي مسلم. أحيانا الحديث اللي في البخاري وفي مسلم لكن avec un lafz آخر. ربما في مسلم tu trouves une autre formulation et في البخاري une autre formulation. فهذا فعمدة الأحكام للشرط de l'imam الحافظ عبد الغني المقدسي son livre il a un شرط c'est qu'il cite les hadiths de البخاري ومسلم. فسي حديث حديث عظيم لا تقدموا رمضان بالصوم يوم ولا يومين. أي tu devances pas رمضان par un صوم. Et tu jeûnes pas avant le début de Ramadan, un jour ou deux jours. Même si c'est min bab l'ihtiyat, comme ils disent certains. Là, ba'duhum, rubbama yaqul, je vais jeûner un jour ou deux pour être sûr que j'ai jeûné Ramadan. Là. Ramadan, comme ça yati ma'ana, t'es obligé d'avoir une alama, un shart pour jeûner. Ru'yatul hilal. La bud hilal Ramadan, il est rentré. Tumma tu fais siyam. Avec l'aqida, une conviction annahu c'est un siyam wajib et c'est un pilier de l'islam. Amma jeûner avant là. Illa rajulan kana yasum sawman falyasumhu. Sauf un homme, et ça englobe kadhalik la femme, qui a l'habitude de jeûner, qui a l'habitude de jeûner comme le lundi et le jeudi. Et ça tombe sur jeudi maintenant. Et lui il a l'habitude de jeûner. Pourquoi? Parce que sa niya c'est pour le khamis. Et il a l'habitude de le faire. Donc ça le gêne pas. Amma celui qui n'a pas de somme, il ne fait pas de somme d'habitude. Thumma avant Ramadan, il veut jeûner. Hada la. An-Nabi sallam naha an hada. Et on va citer des masa'il mutta'alliqa bi hada al-hadith. Awwalan, hukm siyam yawm ou yawmayn qabla Ramadan. Dans le hadith, on a un nahi. La taqaddamu Ramadan. Et ta'lamoun, ou vous devez savoir anna nahi la taqaddamu. Et tous les nahi du prophète sallam ou fil Qur'an, et ne fait pas telle chose, ça peut être haram ou makruh. Des fois le nahi c'est haram, t'as pas le droit. La taqrabu zina, c'est haram, t'as pas le droit de faire zina. Et des fois c'est makruh, ne fais pas telle chose, lakin si tu le fais, c'est pas des péchés. Et c'est détestable. Enfin, il y a une différence entre l'interdit et le détestable. Et cette mas'ala, Talib al-ilm, il la voit en détail fi Kutub al-Usul. Et parmi les livres les plus importants et les plus profitables pour Talib al-ilm fi hada al-bab usul al-fiqh pour les débutants, al-usul min ilm al-usul lil-imam al-allama al-sheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymeen alayhi rahmatullah. Tout ça pour vous dire an al-ulama ربما تتخوف سنه هي après tu trouves un khilaf بين اهل العلم. Certains savants disent c'est interdit, d'autres disent c'est détestable. Tu dois comprendre que le hadith c'est le même qu'ils ont. لان ce hadith est sahihain. Les savants ils se basent dessus. لكن leur avis ils divergent. Certains ils vont dire c'est haram de jeûner avant Ramadan et d'autres ils vont dire c'est détestable. ذهب donc الحكم ذهب اكثر اهل العلم الى الكراهه. La plupart des savants, ils disent que c'est détestable, c'est pas interdit. Si je jeûne avant Ramadan, il n'a pas fait un interdit. Et un jour ou deux jours avant Ramadan. Lakin, c'est détestable. c'est préférable de délaisser. فهذا قول أكثر أهل العلم. قال الإمام الترمذي رحمة الله عليه في جامعه العمل على هذا عند أهل العلم كراهة تعجيل الرجل بالصيام قبل دخول رمضان. هذا قول من الأقوال. وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم. Les autres savants, ils ont dit que c'était haram. لأن الأصل في النهي c'est que c'est haram. La base dans le nahi, c'est que c'est haram. Il faut un autre délil qui montre que c'est permis pour que ce nahi, ça devient un nahi pas haram détestable. Mathalan, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Ça arrive, hein. Un nahi, et le nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait. Et le nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait pour montrer que c'est autorisé. Comme le fait de boire debout, mathalan. C'est détestable, c'est pas interdit. Il y a des adillahs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a bu debout. Au bar des sahaba, radiyallahu anhu. Fahaoula min al-a'imma, ils ont dit que c'était haram. Naam, quel imam al-san'ani, fi subul al-salam, kathalik l'imam shawkani, rahmatullah alayhi, fi al-darari, wa stadallu bi zahir hada al-hadith. Et c'est ça l'asl. La base, c'est qu'on prend le hadith à la zahir. Sauf, bien sûr, si on a des adillahs qui l'expliquent, des aqwal de sahaba qui l'expliquent. هذا أما الأصل النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم ودوك ودوى طالفه. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمة الله عليه في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام شرح طيب مختصر. الإمام ابن دقيق العيد إلى الشرح على عمدة الأحكام إحكام الأحكام أي لون imprimé en un volume نافع. قال فيه دليل أي الحديث qu'on a cité, que Al-Hafid Abdul Ghani, rahmatullah alayhi, il a cité dans Amdat al-Ahkam, illa rajulan kana yasumu sawman fal yasumhu, qala fihi dalil ala anna as-sawm al-mu'tad idha waqaf idha wafaqta idha wafaqat al-'ada fihi ma qabla ramadan bi yawm aw yawmayn annahu yajuz sawm sawm al-'ada, ay c'est un sawm t'avais l'habitude de le faire lundi et jeudi mathalan, et hada al-hal si ça tombe avant Ramadan, maintenant dans Ramadan, c'est vendredi. Ah, ou ça peut être vendredi. T'as l'habitude de jeûner jeudi. Tu peux jeûner. Si t'as pas l'habitude, évite. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمة الله عليه إذا وافقت العادة فيه ما قبل رمضان بيوم ويومين أنه يجوز صومه ولا يدخل تحت النهي وسواء كانت العادة بنذر أو بالسرد عن غير النذر. Si c'est un نذر, comme on a vu dans notre درس de l'أصول الثلاث. Si c'est imposé, ça devient wajib alayhi. Il a fait un vœu, il jeûne un jour avant Ramadan. Ah ben il doit respecter. L'anna, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, man nadara an yuti' Allah fal yuti'hu. Et un siyam c'est une ta'a. Ou un siyam, on a dit, nafila kal itnain ou al-khamis. Ça tombe avant Ramadan, fa hada yassoum. Amma ghayri hada, ou fi ghayri hada al-hal, fa la yassoum. Est-ce que c'est makrouh ou c'est haram? Al-aqrab, wallahu a'lam, c'est que c'est haram. On a un nas, wadih nahi, et on ne connaît pas un autre dalil qui montre que c'est permis. Al-aqrab, c'est qu'il est même sanani ou shawkani, c'est haram. Et même si on prend l'avis de akthar ahl al-ilm, c'est makrouh, ya akhi, ne fais pas le makrouh. T'es pas athib, t'as pas de fichier, mais ne fais pas le makrouh. Fais as-sunan, fais al-wajibat, fais tes efforts fi hada. Wallahu ta'ala a'lam. Anzur Fath al-Allam li akhina al-Sheikh Muhammad ibn Hizab hafidhahullah, il a cité cette mas'ala et nahnu on l'a résumé. Deuxième mas'ala, hukm al-sawm ba'd al-nisf, ba'd al-nisf min sha'ban. C'est lié avec notre hadith. Est-ce qu'on peut jeûner après la moitié de sha'ban? الحديث الآن كنا نحن في الصحيحين أن c'est pas permis de jeûner un jour ou deux jours avant Ramadan. C'est ça le hadith qu'on a. لكن il y a un autre hadith, on va le citer, أنه après la première moitié de Sha'ban, tu ne dois pas jeûner. قال أو on résume la مسألة ذهب كثير من الشافعية إلى أنه لا يصام بعد النصف الأول من Sha'ban. Beaucoup de ceux qui suivent le madhab de l'imam al-Shafi'i, ils ont dit On ne doit pas jeûner après le 15 de Sha'ban, et la deuxième moitié de Sha'ban. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. الحديث اللي واضح لكن سبا شك حديث كواضح صريح كصحيح. الحديث اللي ضعيف. Tu peux avoir un hadith clair, ne fais pas telle chose, لكن il est ضعيف. Et تعلمون أن pour utiliser, pour appliquer un hadith, la condition c'est qu'il soit authentique, ثابت. أما الحديث ضعيف فلا. الحديث أخرجه الإمام أبو داود والترمذي من طريق العلاء ابن عبد الرحمن وقد أنكر عليه هذا الحديث. نعم قال الإمام أحمد وابن حبان وأبو زرعة وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم حديث منكر. أئمة كبار الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو زرعة عبد الرحمن بن مهدي تس ليس في طبقات الإمام البخاري أئمة كبار. على époque الإمام أحمد رحمة الله عليه، ils ont dit الحديث اللي منكر. خاصة، t'as un deuxième hadith qu'on va citer qui contredit ce hadith. C'est pour ça que les ulama ils ont dit منكر. Il est ضعيف et contredit un hadith صحيح. Deuxième avis، ذهب جمهور العلماء، la plupart des savants، إلى جواز صوم التطوع بعد النصف من شعبان. La plupart des savants ils ont dit que jeûner après le 15 donc la première moitié de Sha'ban, il n'y a aucun khilaf. La deuxième moitié, certains savants, certains du madhab al-Shafi'i, ils ont dit que ce n'était pas permis. Les madhali, ils ont un hadith, mais il est dhaif. La deuxième moitié, hein, toujours, le deuxième avis, ذهبت جمهور العلماء إلى جواز صوم التطوع بعد النصف من شعبان. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت الحديث اللي في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان متفق عليه. Donc عائشة dit j'ai jamais vu le prophète صلى الله عليه وسلم faire du siyam ou jeûner plus que le mois de Sha'ban autre que Ramadan. Ramadan bien sûr c'est obligatoire de le faire entier. أما Sha'ban il le faisait presque entier. Ça montre qu'il jeûnait beaucoup. Donc c'est une sunnah de jeûner beaucoup fi Sha'ban. Amma al-hadith jeûner pas après le 15, c'est un hadith dhaif. Wa fi riwaya fi sahih Muslim kana yasum Sha'ban illa qalilan. Fa fi al-haqiqa ce hadith Aisha fi sahih Muslim il nous aide à comprendre le premier hadith qu'on a cité fi al-matn, matn 'Amdat al-Ahkam, hadith Abi Hurayra. لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجني la plupart de Sha'ban sauf un peu. أي sauf un jour avant أو deux jours avant. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. قول الجمهور c'est الراجح. L'avis de la plupart des savants c'est الصواب c'est الحق. أنه يجوز de jeûner après le 15 et بل c'est recommandé de jeûner beaucoup في Sha'ban. Il y a un إشكال. إشكال أي il y a un problème dans la compréhension d'un hadith qu'on va citer. An Ummi Salama radiyallahu anha qalat ma ra'aytu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yasum shahrayn mutatabi'ayn illa sha'ban wa ramadan. Akhrajahu at-Tirmidhi bi sanadin sahih. Umm Salama radiyallahu anha rapporte anna la pas vu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam jeûner deux mois consécutifs sauf sha'ban et ramadan. Hada sa ishka. قد يقول قائل عائشة elle rapporte que النبي صلى الله عليه وسلم il a jeûné Sha'ban sauf un peu. On a hadith Abi Huraira أن النبي صلى الله عليه وسلم il nous a interdit على الصحيح de jeûner un jour ou deux jours avant Ramadan. فكومون comprendre hadith أم سلمة il est صحيح. قال الحافظ ابن حجر ça nous montre أن pour comprendre les مسائل et on le répète souvent à nos frères tu rassembles الأدلة لأن tu vas avoir des أقوال. Tel imam il va dire telle chose, un autre imam il va dire telle chose. Nous en tant que talabat al-ilm on doit rechercher le haq. Ihdhar min at-tasahul ou de dire ya khilaf et choisir l'avis que tu veux, l'avis le plus facile, ce qui coïncide avec les passions. Ihdhar min hada. Al-fiqh c'est une ni'ma et c'est du din et on doit comprendre hada al-fiqh comme ils l'ont compris sahab. Et si un khilaf on revient au haq. Et tout ça, bien sûr, c'est en revenant à la compréhension des savants. Nous, on n'a pas le niveau pour comprendre tous les hadiths, pour comprendre pourquoi ou comment ce hadith est contredit l'autre. C'est quoi le jam? Comment rassembler? Est-ce qu'il est sahih amla? Tout ça, on revient au savant de l'islam. Il fait des efforts, il revient au savant de la umma, et son intention, c'est le haq. Pas de suivre toujours la majorité, ou prendre l'avis qu'il veut. Thomas, si quelqu'un le conseille, il dit « yakhilaf », comme on avait expliqué dans une kalima qu'on a fait, « walillahi alhamd ». قال الحافظ هنا ابن حجر في فتح الباري إن حديث عائشة رضي الله عنها يبين المراد بقوله في حديث أم سلمة الحافظ رضي الله أو رحمه الله قال حديث عائشة il explique حديث أم سلمة فأم سلمة على cité أن النبي صلى الله عليه وسلم il a jeûné شعبان رمضان عائشة elle a donné une précision qu'il faut prendre en compte il a jeûné شعبان sauf un peu. C'est un avis. Et avec cet avis, il n'y a aucune contradiction. Salama, elle a dit, le prophète sallam, il a jeûné Sha'ban. Hey, la plupart de Sha'ban. Aïcha, elle a été claire. Elle a dit, il a jeûné Sha'ban, sauf un peu. Et le Nabi sallam, fait hadith Abi Huraira, il nous a interdit de jeûner un jour ou deux jours avant Ramadan. Hey, les derniers jours de Sha'ban. Hada, c'est clair. Qala al-Hafiz, hey, kana yassoum mu'azamahu. ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله. نعم الإمام الترمذي رحمة الله عليه يغطى عن ابن المبارك أن العرب أحيانا يسيت أن لفظ عام في الحقيقة يفل كو certains jours dans cet exemple الكل ويريدون به البعض. Salama, elle a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné Sha'ban et Ramadan entier. Elle a voulu par Sha'ban la plupart de Sha'ban. Hada, c'est un qawl. Qala al-Tibi, rahmatullah alayhi, toujours la parole de l'Hafid ibn Hajar. Yuhmal ala annahu kana yassoum Sha'ban kulluhu wa tara wa yassoum mu'azzamahu ukhra li'alla yutawaham annahu wajibun kulluhu ka Ramadan. Et ça, c'est un qawl kadhalik. Qawl wajih. الطيبي رحمة الله عليه كذلك شو من بازل أشوازي هذا القول أنه النبي صلى الله عليه وسلم il a déjà jeûné il a fait صيام شعبان entier comme elle a dit أم سلمة et la plupart du temps ou des fois il ne jeûnait pas entier comme elle a dit عائشة. Ils ont rassemblé entre les hadiths et ça c'est une طريقة معروفة عند الفقهاء أن si les hadiths ne se contredisent pas tu les rassembles. أم سلمة elle a dit il a déjà jeûné شعبان entier لأنها elle savait. On accepte. Aïcha, elle a dit, il a jeûné Sha'ban sauf quelques jours. Elle a vu cette situation et elle a rapporté. On prend les deux. Ça, c'est Qawl Shurban Baz et l'imam al-Tayyibi, comme il a rapporté al-Hafiz ibn Hajar. Qal al-Hafiz, rahmatullah alayhi, wa al-awwal huwa al-sawab. Al-Hafiz, irajjah, rahmatullah alayhi, anna le plus proche, c'est al-Qawl al-awwal. Na'am, la'allahu, c'est le plus proche. Et al-Qawl al-thani, kadhalik, c'est un Qawl wajih. والله تعالى أعلم. انظر مسك الختام لأخينا الشيخ زائد الوصابي وفقه الله حفظه إلى ستسة مسألة. الحكمة الآن. On peut se poser la question. And c'est quoi الحكمة من النهي؟ أي pourquoi on ne doit pas jeûner un jour ou deux jours avant Ramadan؟ اعلم أولا أن ما يتعلق بالحكم أي pourquoi telle chose elle est interdite. Pourquoi telle chose, elle est obligatoire. L'hikma. Ahyana, on connaît l'hikma et ahyana, on ne connaît pas l'hikma. Il y a des choses, c'est min bab al-ta'abbud al-mahd. Mathalan, pourquoi le fait de manger de la viande de chameau, ça annule les ablu al-wudu, al-tahar. Pourquoi? Ba'd al-ulama, ils ont cité des hikam. Et ba'd al-ulama, ils ont dit, c'est un amr ta'abbudi. C'est une ibada. Allah subhanahu wa ta'ala, et il nous a ordonné de refaire le wudu si on mange la viande de chameau et par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on a mangé la viande de chameau, on refait le wudu et on n'est pas obligé. C'est obligé qu'on connaît le hikma. Et là, بعض الناس, ils ont un tawassu' ajib fi hada. Khassatan al-an sur internet tu trouves ahyanan ba'dhum jidal khawd niqash. Pourquoi Allah il interdit lahm al-khanzir? Ba'dhum ils vont dire pour telle chose. On ne doit pas n'atawassa'a fi hada. On fait comme ils ont fait le salaf. Si on connaît le hikmah, alhamdulillah. connaître le hikmah, des fois c'est important. Il y a des fawa'id. Si on ne connaît pas le hikmah et l'ulama, ils n'ont pas cité le hikmah, fala nakhoud fi hada. Perdre son temps, ça ne sert à rien. Et le musulman, le muwaffaq, il est sincère, il veut se rapprocher d'Allah. L'essentiel, c'est qu'il respecte les ordres, il les fait et il s'écarte les interdits. Il connaît le hikmah amla. L'essentiel, c'est que tu fais. Et ton but, c'est at-taqarrub ila Allah. T'espères le jannah et pas peur minan nar. C'est ça le but. Tu connais le hikmah avec des adillah, des paroles de a'im, alhamdulillah, tu ne connais pas. Al-haqiqa, le plus important, c'est de faire l'obligation et de s'écarter des interdits. Hada, c'est un tambih par rapport à ma yata'alak bi al-hikmah. Hikmat, certaines ibadat ou certaines interdictions. Amma huna, qala l'imam al-san'ani rahmatullah alayhi, al-hikmah, innama naha an تقدم رمضان لأن الشارع قد علق الدخول في صوم رمضان برؤية الهلال أو برؤية هلاله كما هو بوا حديث الذي بعد حديث ابن عمر. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, son messager sallallahu alayhi wa sallam, comme on va voir le hadith d'après, ils nous ont ordonné de jeûner, de faire le siyam si hilal ramadan y rentre. Celui qui fait un jour ou deux jours, est-ce que le hilal il est rentré? Il l'a vu là. Pourquoi il jeûne? Pourquoi il fait le siyam? Alors que d'habitude, il ne jeûne pas. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour ceux qui font le siyam habituellement, ils font le siyam. Mathalan, celui qui fait le siyam, Daoud alayhi salam, afdalu siyam, qala le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tasoum yawman wa tuftir. Tu jeûnes un jour, tu fais le siyam un jour, et tu manges un jour. Afdalu siyam. Hada, il a l'habitude, toujours il le fait. Avant Ramadan, forcément, il va faire un jour avant Ramadan ou il va faire deux jours, pas le jour précédent, le jour d'avant. Là, il y en a fait un jour sur deux. Là, il le fait. Mais celui qui n'a pas l'habitude, pourquoi il le fait? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, son messager sallallahu alayhi wa sallam, ils nous ont ordonné de faire le siyam bidoukhoul al-hilal al-Ramadan. Et al-hilal, il n'est pas apparu. C'est ça, al-hikmah. يسيت الإمام الصنعاني رحمة الله عليه قال فالمتقدم عليه مخالف للنص celui qui jeûne avant il خالف النص et on va l'étudier ensemble حديث ابن عمر هذا الكلام في سبل السلام والإمام القرطبي رحمة الله عليه صاحب المفهم إلى نوت قول et c'est un قول il est clair كذلك قال هذا النهي لما يخاف من الزيادة في شهر رمضان. كذلك ça ressemble à قول الإمام الصنعاني. C'est comme si rajouter في شهر رمضان. Et tu peux, ou on peut après cela mélanger entre النافلة et الوجوب. Celui qui jeûne avant رمضان, même si c'est النافلة, mais si jeûne parce que c'est obligatoire et c'est pas encore رمضان, هذا c'est grave. T'as pas le droit de rendre une chose obligatoire qui n'est pas obligatoire. لكن même s'il pense qu'il va faire une نافلة à ce moment, ça peut se mélanger avec Al-Fard. Amma, ceux qui ont l'habitude, Haoula, c'est clair. Le jeudi, jeûne le jeudi, Siyam Daoud, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il autorise. Qala Cheikh Sa'di, rahmatullah alayhi, fi shar' amdat al-ahkam ila shar' tayyib. Cheikh Sa'di, et ta'lamoun, Cheikh Sa'di, on a déjà étudié, wallahi alhamd, ensemble, sa risala sur talab al-ilm, adab al-mu'allimin wal-muta'allimin. Et on a étudié certaines de ces rasa'il avec certains frères, qu'à l'wasa'il al-mufida, l'il-hayat al-sa'ida, c'est des rasa'il nafi'a jiddan. Ça ressemble au rasa'il de Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est son cheikh, des rasa'il simples, kalam wadih, et il a un shar' al-amdat al-ahkam, mukhtasar, yustafad minh. Qala, wa sabab karahat, ay taqaddumihi bisawm yawm ou yawmayn, أن الشارع شرع التفريق بين العبادات وبين الفرض والنفل. نعم حتى c'est pas tout le monde, ceux qui n'ont pas l'habitude, tout le monde jeûne un jour ou deux jours avant. لا ça va se mélanger avec رمضان. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن كان له صيام أي معتاد إلى l'habitude de صيام recommandé إما lundi jeudi إما autre. هذا نعم أما les autres فلا. C'est ça الحكمة. فهذا ما يتعلق بهذا الحديث. لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. فقوله لا تقدم رمضان فهذا على الصحيح سكس حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن والأصل في النهي التحريم. Donc on ne doit pas jeûner un jour ou deux jours avant Ramadan. Sauf إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. Sauf une personne elle a l'habitude de jeûner lundi, jeudi au siyam Daoud ou un nadr ففي هذا الحال تصوم. C'est ça الخلاصة من هذا الحديث. Le deuxième hadith بقي وقت أو نكتفي بهذا. نعم ذهب الوقت. نكتفي بهذا. Et le prochain درس on prend inshallah le deuxième hadith. Ma yata'allaq bil hilal. Le premier, le tartib il est tayyib de Al-Hafid Abdel Ghani rahmatullah alayh. Le premier, ma yata'allaq avant Ramadan. Il te cite ce hadith. Le deuxième, l'an, ru'yat al hilal. C'est quand Ramadan il commence. Thumma, rahmatullah alayh, il va citer al-sahour. Aïe, le début. Le repas avant le fajr. Et hakada, il y a un tartib tayyib. Rahmatullah alayh. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك